qu'à tomber tes jours. C'est pas tous les souhaits, ton nez qu'à rouler. C'est clair qu'elle fait moins courir comme ça. Chance, il t'aimerait respirer, assez tout mort.